Chapitre 14e, le doigt coupé. Tout à coup, sous un effort violent, la porte s'enfonça. Verrou intérieur, serrure, panneau, tout céda, Armand parut. Il avait voulu entendre les exclamations que pousserait Fernande en voyant les roses. Il se promenait doucement dans le couloir, prêtant l'oreille. Quand elle lui dit « Pauvre garçon, comme il m'aime !» Quand le bruit du baiser qu'elle lui envoyait fut venu caresser son oreille, Armand, tout joyeux de son succès, allait se retirer. Déjà, il tournait un corridor quand retentit l'appel strident de sa fiancée. Il accourut. Une plainte vint jusqu'à lui et, n'hésitant plus, il enfonça la porte d'un coup d'épaule et entra. Il vit Fernande en larmes et la spic roulait en spirale sur le plancher. La vipère balançait sa tête et se tenait en défense après avoir en vain cherché un trou pour fuir. Armand, sous son talon, l'écrasa et il courut à Fernande. « Je meurs !» dit la pauvre enfant. « Je meurs et je t'aime !» Elle montrait son doigt. Il fallait couper ce doigt à l'instant. « Comment ?» D'un coup de dent. C'était affreux. Il se mit à genoux, saisit la main de Fernande, devint livide, hésita pendant le temps qu'un éclair met à briller et, mordant avec la violence d'un tigre ce doigt charmant, il le détacha au nœud de la deuxième phalange. Fernande éprouvait un tel engourdissement qu'elle ne s'en aperçut même pas. Elle croyait qu'il suçait sa blessure avec ses lèvres. En ce moment, il entendit des voix et du bruit. Nous l'avons dit, il y avait en lui des instincts de Peau-Rouge. La vie de Bohème en avait fait un Mohican. Il saisit la queue de la vipère broyée et morte, il la mit dans sa poche, plus de traces du reptile. Puis, tout en pensant Fernande, il lui dit à voix basse, « Pas un mot du serpent, laissez-moi faire !» Et il s'était saisi d'un lacet avec lequel il liait le bras de la jeune fille pour arrêter la marche du venin, dont une partie avait eu le temps d'envahir la main. En même temps, il arrêtait le sang par une autre ligature du doigt coupé. Enfin, il cachait la plaie par son mouchoir et jetait un peignoir sur sa fiancée. Tout cela fut fait en un clin d'œil. Il attendit, Léonie entra, elle joua la douleur. Armand lui dit brusquement, « Je ne sais pas ce qui arrive, vite, préparez ce lit, ôtez ces fleurs !» Léonie pensa que la vipère pouvait bien être encore dans les roses, elle n'obéit pas. « Mais faites donc ce lit !» dit Armand. « J'ai peur, monsieur, dit-elle. Si j'allais être piqué par la spic. » Le pensionnaire venait d'arriver et avait entendu cette réponse. Armand les prit sur le champ à témoin. « Vous avez entendu? Cette fille vient de parler d'un aspic. » Et lui saisissant le bras. « Comment savez-vous, malheureuse ?» lui demanda-t-il, « qu'il y a une vipère ici. » Léonie, troublée, prise au piège, comprit l'étendue de son imprudence. « J'ai vu une bête fuir sous le lit et là, gagner la porte, » dit-elle. « D'où vient que vous avez pu distinguer que c'était un aspic ? « Je connais les vipères, je suis une fille de la montagne. »« Et vous avez vu fuir la spic ?»« Oui. » Armand dit solennellement aux deux premiers témoins et à d'autres qui venaient d'arriver. « Cette fille a placé une vipère dans le lit de Mademoiselle Fernande. Je vais le prouver. » Elle aurait dû ignorer que la vipère avait piqué Mademoiselle Fernande. Rien ne l'indiquait. Pourquoi alors se refuser à préparer ce lit et pourquoi me dire qu'elle craignait la piqûre du reptile si elle n'avait pas su qu'il était là ?« Mais puisque je l'ai vu se sauver !» s'écria Léonie, se suspendant à cette branche de salut. « C'est là ce qui vous condamne, » dit Armand. Et retournant à sa poche, il versa la spic écrasée sur un petit guéridon. « Il n'a pu fuir, il est mort. Vous n'avez pu le voir, il était dans ma poche. » Léonie était anéantie. Favel entra dans ce moment. Il vit la spic, Fernande, Léonie atterrée. Au premier mot d'explication, il comprit tout. Il était homme de sang-froid. Il se domina. « Je crois, docteur, lui dit Armand, que vous sauverez Mademoiselle Fernande. » Favel examina la plaie et regarda Armand d'un air admiratif. « Mais tu as donc coupé ce doigt avec tes dents » s'écria-t-il. « Il le fallait, » dit Armand. Le docteur lui tendit ses deux bras. « Mon fils, tu as eu un courage dont je n'aurais pas été capable. Elle te doit la vie. » Puis à son huissier, « Ma trousse est du chloroforme. » Armand bat l'oreille, envoie chercher le commissaire. « Et au maître d'hôtel, qu'on veille sur Léonie. » Le général, qui se sentait compromis, déployant tant d'exagération dans la manifestation de son chagrin, qu'il inspira de la défiance à tout le monde. Stéphane voulut parler à Léonie. Le docteur dit à Armand, « Empêchez cette fille de parler à personne. » Et Armand voulut écarter Stéphane, mais celui-ci le prit de haut. Il s'écria, « De quel droit veut-on séquestrer ainsi cette jeune fille? C'est ma fiancée. Je lui dois ma protection. De quoi l'accuse-t-on? Que lui reproche-t-on? » « On l'accuse d'avoir tenté d'assassiner sa maîtresse, » dit Armand. « Je pense que le commissaire jugera bon de vous arrêter comme son complice. » Et comment est-elle coupable? Coupable de quoi, du reste? D'avoir placé cet aspic dans le lit. Vous êtes stupide de dire cela, s'écria Stéphane. L'aspic leur a piqué elle-même. On peut trouver le moyen d'endormir les vipères, dit Fabel. Du reste, la justice suivra son cours régulier. Le commissaire va venir. Armand, empêchez ce garçon de sortir. Puis au général, nous aurons à causer, monsieur. Stéphane ne savait pas que Léonie s'était en quelque sorte dénoncée elle-même. Il croyait qu'aucune charge ne pesait sur elle. Il conserva toute son insolence. « Monsieur, dit-il à Armand, je ne suis pas un domestique mais un soldat. Vous me rendrez raison. »« Si la justice vous épargne, dit Armand, je vous rendrai en effet raison, à coups de botte. » Et comme Stéphane devenait menaçant, Armand lui prit le bras et le serrant à le briser. « Ma conviction est faite sur ton compte, misérable, lui dit-il à voix basse. Si tu ne te tais pas, si tu ne te tiens pas tranquille, je t'assomme comme un chien. » Et ne cherche pas ton couteau dans ta botte, c'est inutile. Je veille et je me défie. » Stéphane, emporté par la fureur, allait en effet tirer son catalan. Il se contint. Après le coup de dent d'Armand, il était indispensable de faire une amputation régulière. Fabel voulait détacher entièrement de la main le tronçon qui restait. Il fit respirer le chloroforme à Fernande et la jeune fille s'endormit. En 3 minutes, Fabel eut opéré. Fabel s'occupa ensuite de médicamenter la jeune fille et de combattre l'engourdissement doublement produit par le venin et par le chloroforme. Il pria tout le monde de se rendre au salon, recommanda Léonie au maître d'hôtel et le faux Stéphane, car il s'appelait Gédéon, à Armand, puis il fit coucher sa pupille. Fernande, la paupière lourde, n'avait pas dit un mot jusqu'alors. Mais quand, sous les remèdes énergiques que lui administra Fabel, elle reprit conscience de la situation, elle leva ses grands yeux sur son tuteur et lui demanda « Armand, ma bonne Fernande, dit Fabel, il t'a sauvé. Tout à l'heure, il viendra. » En ce moment, on va prévenir le docteur qu'agent et commissaire arrivaient. « C'est bien, dit-il, qu'Armand remette les prisonniers aux mains de la police, en priant le commissaire d'empêcher qu'ils ne se parlent. Puis qu'Armand vienne ici. » Quand le jeune homme fut là, Fabel lui dit « Gardez-la, je vais livrer les coupables. » Il se rendit au salon. Là, le commissaire verbalisait déjà. Le docteur compléta les renseignements déjà donnés, les témoins firent leur déposition. Le commissaire interrogea les accusés sommairement, il ordonna leur arrestation, on les emmena séparément. Fabel donna ses derniers ordres et il se rendit auprès de Fernande. Le docteur trouva que l'action du venin était presque paralysée. Fabel, aidé d'Armand, continua de donner des soins vigilants à la jeune fille qui se montra courageuse et charmante. Au jour, elle était aussi bien que possible, à l'aube elle s'endormit. Le docteur alors plaça près d'elle une garde malade de sa maison dont il était sûr et l'emmena Armand dans son cabinet. « Mon cher, lui dit-il, vous devinez sans doute d'où vient ce coup. Il a été porté avec une habileté extrême. C'est la comtesse qui a imaginé ce crime, dit Armand. Espérons que la justice aura trouvé la preuve des machinations de la comtesse, dit le docteur. Je vais rendre visite au ministre. Pouh, dit Armand, le ministre, la justice, je n'ai pas confiance. » En fait de juge, j'en ai connu qui m'ont donné une triste idée des magistrats. Mais moi, je ferai mon enquête et je découvrirai la vérité. » Fabel, qui connaissait le monde officiel et qui savait combien il était corrompu, ne faisait pas grand fond sur certains juges d'instruction ambitieux, toujours prêts à diriger leurs enquêtes, selon la volonté du gouvernement ou selon leurs intérêts. Toutefois, il connaissait des magistrats intègres et il comptait du reste sur son influence pour contrebalancer les tentatives de corruption de la comtesse, qui n'allait pas manquer d'employer tous les moyens pour se défendre vigoureusement. « Laissez-moi faire d'abord, mon cher Armand, dit-il. Nous verrons ensuite à utiliser les instruments de chercheurs de pistes qui sont innés en vous. » Et il ajouta, « Nous allons être tranquilles pour un temps. Il est peu probable que la comtesse et Yali cherchent à nous frapper d'ici, à ce que le bruit de ce premier scandale se soit apaisé. »